Deuxième partie, 1. 7 ans plus tard, un matin de juillet, chaud, pesant, chargé d'orage, au cimetière de Castillac, tout en haut de la grande avenue centrale où se dressent les monuments des familles notables, rue des nobles et des bourgeois cossus, dans la cité des morts, cité pareille à l'autre, disposée d'eux-mêmes, avec son vieux quartier, son faubourg neuf et son coin populaire, mais plus petite, parce qu'il faut que les morts, plus nombreux que les vivants, tiennent moins de place, il y avait du monde. Il y avait la ville entière autour du tombeau de Berville. On venait d'y déposer le corps de Claire-Antoinette Marie, l'aumônier, veuve de M. Romain de Berville, décédé muni des sacrements de l'Église, dans sa 81e année. Le prêtre achevait les oraisons. Le bedeau tendit à René le goupillon d'argent, qui devait passer de main en main pour l'aspersion de l'eau bénite. Geste d'adieu après lequel on n'a plus qu'à s'en aller, laissant le mort, le délaissant. Il se fait alors, parmi l'assistance, un mouvement de quelque désordre, le respect des uns ou leur usage compassé gênant la hâte des autres. Les deux Berville descendirent l'avenue, en troupe, que le reste de la foule suivait à distance. Ils allaient se poster sous une sorte de hangar, établi à la porte du cimetière, et où l'on défilerait devant eux. Ils se rangèrent sur deux lignes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, face à face, René au premier rang. Et il aperçut devant lui, au premier rang des femmes, Anatolie. Il en fut mécontent. Ce n'était pas le protocole exact. Il fit un geste et d'un doigt vif indiqua nettement qu'Anatolie devait se placer après ses deux tantes. Elle ne comprit pas, d'abord, ce qu'il lui voulait. Henriette, assez doucement, l'attira vers elle et la mit à sa gauche. Anatolie le voulait bien. Et si elle avait, jusqu'au bout, soigné toute seule sa grand-mère avec un dévouement filial, ce n'était pas pour revendiquer des préséances. Mais le formalisme de René, en telle circonstance, lui parut mesquin, sot, blessant peut-être. Elle lança un regard de mépris à l'oncle, qui, selon sa coutume, comptant que sa volonté ne souffrait ni délai ni incertitude, affectait de n'en pas vérifier l'accomplissement, et tournait ailleurs ses yeux, du reste inexpressifs. Castillac défila entre les deux rangées des deux Berville. Et il fallait de ces événements pour qu'on vît ainsi la famille, avec les parents plus ou moins éloignés, toute la famille est généalogiquement distribuée. On la voyait et revoyait à intervalles plus ou moins longs, comme si, à chaque mort, elle avait à montrer sa persistance. On évaluait ainsi son changement. Elle se présentait, ainsi que les soldats, à la revue. L'officier, c'était le public, d'apparence paterne et implacable dans sa critique. En 7 années, petite durée et qui s'écoule vite, une famille a changé, non de visage, mais de physionomie. Elle a pris sa plus grande force. Ou bien elle a vieilli, ou rajeuni, selon que l'arbre, à ce moment, exhibe surtout la décrépitude des branches anciennes, ou le verdoiement vigoureux des nouvelles pousses. Et l'on ne saurait dire comment et quand s'est faite la modification. Ce fut d'un jour à l'autre si peu de choses et invisibles. Parfois, on a observé que celui-ci, l'adolescent d'hier, devenait homme, que celui-là, si récemment alerte, prenait une démarche lourde, qu'une belle jeunesse fleurissait, que des cheveux blanchissaient, que des rides se marquaient au bord des yeux, dont se voilait un peu la flamme. Bref, on note plusieurs détails de la transformation et l'aventure de chacun. Mais la synthèse vivante de tout cela, et enfin la tribulation totale de la famille, à la déchéance ou la prospérité de laquelle concourent et les faits, et en outre leur coïncidence, cette anecdote plus large et compliquée échappe à l'observation quotidienne. Elle se marque dans ses bilans périodiques, dont les cérémonies d'enterrement sont un exemple. Les deux Berville étaient à leur apogée, proches de leur déclin, à leur été qui touche à l'automne. Antoine, il y avait 2 ans, était mort, et à vrai dire, l'absence de ce latiniste manqué ne diminuait pas la puissance des deux Berville. Ni son frère ne le comptait pour rien, ni lui-même ne souhaitait de compter. Il était mort, un peu plus grognon que jamais, et il avait rendu à Dieu, qui sait le prix des âmes inefficaces, son âme innocente, insignifiante, ornée d'Horace et de Virgile. Pauline, depuis lors, se vouait à des œuvres de charité qu'elle avait paru ignorer jusque-là. Elle y dépensait un zèle qu'on ne lui avait pas connu, et qu'elle possédait probablement de toujours, mais à son insu. Elle semblait revivre, ou plutôt commencer son existence. Elle débutait fort tard, et se prodiguait avec un entrain qui lui valait des bénédictions et des moqueries. Henriette ne l'approuvait pas, et tout en accordant à sa bienfaisance les éloges inévitables, elle la blâmait de négliger son intérieur. Elle était Henriette dans son plein épanouissement. À 45 ans, elle avait sa véritable beauté, l'opulence. Plus jeune, on la trouvait un peu grasse, alors sa taille la tourmentait. Et en revanche, elle tourmentait sa taille, au point de troubler la juste économie et la répartition normale de ses attraits. Avec l'âge de son légitime embonpoint et grâce à un élargissement général de toute sa personne, il s'était fait en elle une espèce d'égalisation très favorable à son air de santé. Vulgaire de figure, mais blanche de peau comme une blonde, et brune avec des yeux pâles, des yeux gris perles qui auraient été rêveurs, si elle leur avait eu donné la moindre occasion, elle avait de quoi plaire. On l'appelait la belle Madame René. Elle plaisait surtout à René, qui, l'ayant aimée dès son mariage, l'aimait plus encore, et lui décernait un vif été de la Saint-Martin. C'était René que les années avaient le plus atteint. À 53 ans, il travaillait sans relâche depuis 35 ans, et il éprouvait un peu de fatigue. Chauve à présent, la barbe quasi blanche, et taillé plus court, afin de ne ressembler guère à un patriarche, il se tenait encore droit, et même plus droit que jamais, les épaules en arrière pour l'équilibre, car son ventre le portait devant lui. Ses jambes peinaient un peu, de caractère il s'était amolli. Sa dureté, par instant, demandait grâce. Il en résultait une alternance de raideur et de lassitude, où l'on soupçonnait du caprice. Il n'était pas capricieux, il avait besoin de repos, et précisément à l'époque où il eut pour sa femme un regain d'amour. Dans la rangée masculine au cimetière de Castillac, il y avait après René les deux fils d'Antoine. L'aîné, Pierre, qui à l'usine était à peu près devenu contremaître et ne sortait pas, et gardait du matin au soir son vêtement d'ouvrier. Le cadet Laurent, plus intelligent que son frère, et ses cousins, mais chimériques, sensibles, et qui ne faisaient rien de bon. Ensuite les deux fils de René, l'un qui, pendant son service militaire, s'était épris de cheval et de vie dehors, avait lâché l'industrie, passé l'examen de Saumur, et maintenant portait les galons de sous-lieutenant au cuirassier. L'autre, petit, laid et presque imbécile. La force et la faiblesse de la famille se révélaient ainsi. Et tout, force et faiblesse, dépendait de René, de l'énergie qu'il avait eue et qui commençait de défaillir, et de la jalousie avec laquelle il avait assuré son despotisme, non la continuité de son œuvre. Si l'aîné de ses fils s'était échappé, c'est que nulle intelligence ou nulle activité ne pouvait, auprès du maître insolent, se déployer le moins du monde. L'autre fils, on ne pensait seulement pas à le plaindre. On l'occupait, on lui usait tant bien que mal ses journées. Et quant au fils d'Antoine, René les avait résolument annihilés, comme les Mérovingiens mettaient en charte ou énervaient leurs neveux inquiétants. Bref, René, qui ne possédait plus toute sa jeune vitalité, sentait périlleuse, avec l'usine agrandie et plus difficile à mener, la solitude qu'il avait revendiquée, âprement acquise et gardée. Quand il pensait à l'avenir, il s'en épouvantait, et il entrait alors dans des colères d'orgueil, où Henriette le calmait avec ses câlineries. Le défilé dura longtemps. Anatolie en détesta la continuité sempiternelle et la morne banalité. Elle craignit un moment de s'évanouir, tant après les nuits sans sommeil et dans la chambre close de la mourante et de la morte, dans l'odeur des médicaments et puis des fleurs, le grand air soudain l'avait comme étourdi. Cependant, son voile de deuil l'empêchait de respirer, et autour de la figure lui faisait une atmosphère étouffante. Ses yeux, à travers son voile, distinguaient difficilement une kyrielle d'ombre, nuancée à peine, et tantôt son attention s'étant posée, elle observait la singularité un peu ridicule des chapeaux de soie et des redingotes en drap noir, vieux achats inusables, et qui ne sortaient que pour les cérémonies. Tantôt, elle ne voyait plus rien du tout, et cédait machinalement à ce que voulait un fantôme, poignée de main, petit salut, ou le baiser de la grande condoléance. Comme elle avait, malgré son chagrin, l'âme en révolte, elle supportait mal ses rites de la douleur et de la compassion, médiocres en eux-mêmes, poignants parce qu'ils sont, en somme, tout ce que l'humanité a inventé, pour les trop formidables conjonctures, et efficaces pourtant si l'on veut s'y soumettre, ainsi qu'à une habitude des siècles. Après que toute l'assistance se fut lentement écoulée, très lentement jusqu'à la fin, et les derniers avec autant de zèle triste que les premiers, la famille sortit du cimetière, bien harassée. Henriette au bras de René, Anatolie seule. Mais sur la route, Henriette se détachant de René s'approcha d'Anatolie. « Tu ne veux décidément pas déjeuner avec nous ?» Il y avait chez Henriette un repas froid pour la parenté, qui des bourgades environnantes et des petits châteaux périgourdins étaient venus au grand complet. Anatolie refusait d'y prendre part. Elle se souvenait d'un pareil repas funèbre donné par sa grand-mère après les obsèques d'Antoine, à des gens que réconfortait la nourriture assez pour que leur tristesse tournât vite à la bonne humeur. Elle dit sèchement non. Et comme Henriette allait insister, elle ajouta « Vous direz que j'étais souffrante, ou bien dites que je suis rebelle aux sentiments de la famille. À votre choix, ça m'est égal. » Déjà, elle s'éloignait. Henriette la retint. « Au moins, ne rentre pas à pied, monte en voiture avec nous, et nous te reconduirons chez toi. C'est plus convenable. » Mais Anatolie ne répondit pas. Elle partit. Quand elle arriva chez elle, on finissait d'enlever les draperies noires de la porte. Il traînait sur le trottoir des pétales, tombaient des couronnes et des gerbes. Il faisait chaud. Pour monter l'escalier, elle se tint à la rampe, et de la main qui lui restait libre, elle eut peine à rassembler le bras de son voile, qui la tirait, et le devant relevé un peu de sa longue jupe où elle s'empêtrait. La porte de son appartement n'était pas fermée. On emportait encore des chandeliers d'argent, des tréteaux. Elle se dépêcha d'entrer dans sa chambre, de s'y enfermer. Près d'un fauteuil, elle hésita une seconde. Elle fit un effort de volonté, ôta ses gants, son lourd chapeau, qu'elle jeta sur son lit. Et puis elle s'assit, ou plutôt se laissa tomber. Elle eut un bref sanglot, se maîtrisa. Elle essuya ses yeux. Et ensuite, la tête inclinée sur le dossier du fauteuil, elle prit une immobilité de repos. Elle ne put la garder longtemps. Elle sentait l'agitation de ses nerfs. Elle vit à ses mains la marque violette de ses gants noirs. Ses mains lui firent une impression funèbre. Elle se leva. Elle était charmante, et non d'une admirable beauté, mais d'une grâce jolie, et comme effarouchée. Grande, elle avait encore l'air d'une petite fille, les bras minces, les gestes d'une spontanéité brusque. Sa tête petite, aux cheveux noirs et bourriffés, remuait beaucoup. Ses yeux noirs, sous le front un peu avançant, brillaient bien. Et le regard sérieux, à tant de vivacité, ajoutait la méditation, de sorte que sa perpétuelle inquiétude et l'incessant éveil de sa physionomie ne semblaient pas un désordre de sa pensée. On devinait et sa ferveur et sa volonté intelligente, et l'on devinait qu'autour de ces chimères, elle savait justement raisonner. Mais aussi, dans tout son aspect, que de révolte. Elle se lavait les mains lorsqu'entra dans son cabinet de toilette sa vieille femme de chambre, et qu'il l'engageait à déjeuner, à prendre ne fût-ce qu'une tasse de bouillon froid. « Je n'ai pas faim, si tu veux, oui, dans un instant. » Après cela, elle dit qu'elle s'assirait au jardin et qu'on lui apporta dans le jardin son courrier, lettres et dépêches venues depuis le matin. En quittant la maison du parvis, que les Renée mirent à neuf, superbement, Madame de Berville et Anatolie avaient loué, au bout du compte, et non sans chicaner, mais faute de trouver mieux, et en outre, pour affirmer plus évidemment leur déplaisir, l'appartement que la fine Henriette se vantait d'avoir découvert. Une merveille. C'était le premier étage d'une maison qui datait de l'Empire, et dont le rez-de-chaussée, transformé en boutique, vendait à droite des ornements d'église et à gauche des curiosités. Honorable négoce, et de peu de bruit. Cette maison, toute en pierre bleutée, accotait à une butte de terrain son rez-de-chaussée. À l'arrière, son premier étage donnait de plein pied sur un jardin de petite dimension, que le retour des bâtiments encadrait de trois côtés, et qui, de l'autre côté, descendant, formait comme un grand escalier de trois terrasses. De la première, on découvrait une vallée, la rivière au fond, des bois de chênes, de châtaigniers et de sapins, sur le penchant de la colline opposée, des peupliers frissonnants et des saules de nuances claires auprès de l'eau. La troisième terrasse, plus étroite que les deux autres, et qui aboutissait à un mur couvert d'espaliers, était fort encaissée. Anatolie s'y réfugiait avec des livres ou avec sa rêverie seulement. Et elle avait passé là les heures les plus fébriles de son adolescence, à exalter son imagination. Quand elle y arriva, ce jour de juillet, l'air embaumait. Les rosiers répandaient leur odeur dans la chaleur ensoleillée. Il y avait parmi les pierres de ce jardin, construit et fortifié, de vieux arbres qui semblaient appartenir à cette architecture de massifs et de contreforts. Et les roses étaient comme les fleurs des murailles solides, comme la précieuse folie de leur éternité. Anatolie, la veille et le matin, avait cueilli beaucoup de roses pour la parure du cercueil. Elle en retrouva le parfum, la couleur, et par cette analogie qu'elle percevait, son jardin lui parut, de même que la maison, tout habité de morts. Ainsi, elle n'échappait aucunement à cette poursuite de la mort qui, depuis trop d'heures, la hantait à lui faire peur. On lui apporta son courrier. Elle dit à la bonne femme, « Catherine, dans un mois et peut-être avant, je m'en irai. » La bonne femme leva de grands bras. « Oui, je quitterai Cassillac. » « Ah, mais que veux-tu, Catherine? Je ne peux pas rester ici, non. Non, c'est impossible. Je vais à Paris. »« mais oui, tu comprends bien. Ce n'est pas un voyage. Je vais m'établir à Paris pour toujours. Du moins pour commencer. Ensuite, ailleurs, qui sait. Mais pas à Cassillac, ça, non. Ça, c'est fini. Il y a des choses qui finissent dans la vie. Alors il faut se dépêcher à autre chose pour ne pas mourir en attendant. » Elle parlait, parlait, afin que se tût la bonne femme. Pourtant, elle l'interrogeait. « M'accompagneras-tu ? » ? Oui, j'entends bien, tu as besoin d'y songer. Cette nouvelle te surprend. Songe-y, je ne te presse pas. » La bonne femme allait enfin lancer ses objections. « Non, non, tu n'es pas de mon avis, Catherine. Ce sera pour un autre jour, pas aujourd'hui. Songe-y tout doucement, et laisse-moi. » Anatolie, demeurée seule, appuya son front sur le bout de ses doigts. Elle avait à lutter contre une sorte de vertige. Les idées lui venaient à la tête, en si grand nombre et si variées qu'elle en souffrait. Douloureuses idées, et d'autres si aguichantes. Elle craignait aussi de les mêler, comme si les aguichantes profanaient les douloureuses, comme si elle se repentait de frémir à des projets de liberté, quand cette liberté, la mort de sa grand-mère, la lui donnait. Et puis ce sentiment de mort, qui la tourmentait et qu'elle voulait écarter d'elle, qui l'imprégnait et dont elle éprouvait l'horreur, jusqu'au dégoût, il lui venait de l'être doux et bon, si gentil, sa grand-mère et véritablement sa mère, le seul être qu'elle eût aimé. Ce contraste lui était un supplice. Comme elle avait, avec ce sentiment cruel, un grand désir de vivre, le supplice de ce contraste excitait encore ses velléités de départ. Et, pourtant de hâte, elle s'accusait d'ingratitude. Mais au-dessus de tous les scrupules, dominait sa décision, plus nette d'avoir été formulée rapidement à l'usage de Catherine. Elle décacheta plusieurs télégrammes et lettres. Elle les parcourut négligemment. Une lettre soudain l'émut. C'était une lettre de Paulin. Il avait appris par le journal de Castillac la mort de Madame Romain. Aussitôt, il serait venu pour la cérémonie, mais il ne le pouvait pas. Il se souvenait de toute la bonté que Madame Romain lui témoignait, une bonté, disait-il, si gaie, si amusante, et qui ne vous opprimait pas. Il plaignait respectueusement Mademoiselle Anatolie de n'avoir plus cette aimable et tendre société. Dans 8 jours, il viendrait, et il irait au cimetière, faute d'avoir suivi les obsèques, saluer la mémoire de Madame Romain. Anatolie sourit en se rappelant un vieil oncle qu'elle avait eu, juge le père à Bastance, et qui n'allait pas à la messe le dimanche, mais qui, pour rien au monde, n'eût manqué d'assister aux vêpres. Elle lui disait « Je vous jure, mon oncle, que ce n'est pas la même chose. » Il se fiait à cette équivalence, qu'il avait fixée à son gré. Mentalement, elle répliquait à Paulin « Dans 8 jours, ce n'est pas la même chose. » Mais elle le verrait, et quelle joie singulière, amicale et curieuse, elle s'en promettait. Paulin, après la signature, écrivait « Vous n'avez pas souvent de mes nouvelles. Ce n'est pas oubli, mais jusqu'à ces temps derniers, je n'ai pas été satisfait de mon aventure. » Son aventure ? Et il suffisait de ce mot pour éveiller dans l'âme d'Anatolie toute une alarme de chimère. Elle n'avait pas revu Paulin depuis le dimanche, où, devant le château, sous les huées et les cailloux, il prêchait. « Laissez-vous tranquilles les uns les autres. » Et elle ne savait pas très bien comment il avait disparu. Donc elle ne s'en fut informée, certes. Mais on lui disait qu'une grosse dame, toute emmaillotée de fourrure, était là, dans une automobile, quand la foule menaçait de faire à l'apôtre bizarre un mauvais parti. Et la grosse dame avait emmené Paulin. Cette histoire semblait absurde. Anatolie ne l'accueillit point sans peine. Et puis, enfant romanesque, elle la transforma, sans le vouloir, en une sorte de féerie. L'automobile, elle la voyait, dans la clarté de cette matinée lointaine, comme les chars de feu qui emportent les héros des légendes. Depuis lors, tous les ans, le 1er janvier, Madame de Berville recevait de Paris une lettre de Paulin, lettre de bonne année, avec des vœux très déférents. Il ne disait rien de lui, ne donnait pas son adresse, ne demandait rien. Et l'on ne pouvait pas lui répondre. Ce mystère, que la famille appelait l'ingratitude de cet enfant, faisait sourire Madame de Berville, et pour Anatolie ornait d'un merveilleux prestige ce garçon si fier, si étrange. D'abord, elle s'attendit que les prouesses de Paulin fussent dans les journaux, et pria sa grand-mère de les y chercher. Rien, et elle en était déçue. Au moins aurait-elle voulu savoir ce qu'il avait pu devenir après son enlèvement. Puis, et ainsi travaille l'esprit des enfants, comme aussi l'esprit populaire, faiseur d'allégories et de légendes, elle cessa de songer à Paulin comme à un personnage véritable, soumis aux contingences d'ici-bas. Elle le transforma en un symbole, et, un peu plus qu'en un symbole, en un héros de sa pensée à elle. Tout le déplaisir de sa vie et tout son grand désir d'une autre vie, tous les mois de son âme mécontente et ardente, elle le rapportait à lui, l'aventureux, et il accompagnait tout le chemin qu'elle accomplissait, en imagination, de son marasme jusqu'à son rêve. Elle conservait de lui un enseignement. Plusieurs occasions, dans la petite ville cancanière, lui donnèrent à comprendre mieux et plus intimement la parabole des miroirs offusqués. Et chaque fois qu'elle tolérait mal la discipline de ses journées, elle se répétait à elle-même le précepte de la liberté réciproque. Mais quoi ? Elle lui laissait tranquille tout un chacun, très volontiers. On ne la laissait pas tranquille. Et alors, dans ce marché, elle était la dupe. Un chrétien qui met en pratique le précepte de la charité se désole de ne guère recevoir l'amitié du prochain qu'il aime. Cependant, il a, du seul fait de son amour, sa récompense. Anatolie n'avait pas la sienne. Et elle aurait dû conclure à l'infirmité de son évangile. Tout uniment, elle s'impatientait. Ainsi, l'enseignement de Paulin, qu'elle observait au point de ne voir presque personne, et de s'enclore dans une sauvagerie opiniâtre, cet enseignement ne lui profitait pas. Tout l'apostolat paulinien se réduisait à l'exalter davantage, et à lui embellir encore l'objet de ses velléités constantes, l'aventure. Elle avait si bien dépourvu d'authenticité concrète le souvenir de Paulin, que chaque année au 1er janvier, la lettre du lointain garçon l'étonnait par la réalité du papier qu'elle touchait, de l'écriture qu'elle reconnaissait, et ce lui furent tous les ans les prodigieux messages de l'aventure. Cette lettre qu'elle reçut dans le jardin, parmi l'odeur mortuaire des roses, quand elle avait résolu de partir, étant libre et sentant sa liberté proche, à l'intimider, c'était l'aventure qui, par un message suprême, lui confirmait sa résolution. La lettre de Paulin, ni dans les mots, ni peut-être dans l'intention, n'avait cette portée. Elle ne contenait pas du tout cet appel qu'Anatolie entendit, pas plus que ne contint le bruit de la mer, une coquille ramassée sur la plage. Et ce qui nous enchante, nous l'avons presque toujours inventé. Anatolie enfin traduisait ainsi, à son gré, la lettre de Paulin. D'ailleurs, elle ne la traduisait pas avec cette rigueur et avec cette lenteur que prennent dans le langage discursif nos spontanéités promptes. Elle éprouvait en allégresse et en vivacité l'influence d'une idéologie confuse et qui n'était que sa révolte un peu ornée. Paulin lui écrivit de Paris, comme l'attestait le cachet de la poste. C'est toute l'indication qu'Anatolie possédait. Seulement, elle en profitait bien. Et Paris la tentait à merveille.